Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 50e numéro de Sur nos écrans. Un 50e numéro qui sera consacré à la célébration des 50 ans du film Batman de 1966. Et vous allez voir qu'il est parfois vraiment difficile de se débarrasser d'une bombe. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 50e numéro de Sur nos écrans. Et avec moi ce soir, Léo Salut. et Arnaud. Salut. Et je ne sais pas pourquoi, il a fallu 50 émissions pour que je pète un câble et que je fasse l'ordre inverse habituel. Bien, Batman 66. Grand film Ah. s'il en est. Ah, ça. Alors, Il n'y a pas de catégorie pour ce film. Enfin, c'est hors compète, là. un film qui à la base était quand même prévu pour être le pilote de la série. Eh ben, purée. Je veux voir la série. Et puis qui au final a été réalisé, tourné, produit, tout ça, entre la première et la deuxième saison. Et il y a tout pile 50 ans, là, aujourd'hui, ils étaient en train de tourner le film, puisque le tournage avait commencé fin avril. Est-ce que quelqu'un a sous les yeux les infos techniques un peu, le réalisateur, les acteurs, tout ça, ou alors les connaît peut-être même de tête, tellement il est fan? Un petit peu. Non, mais je les ai. Mais je Vas-y. les connais pas par cœur. Le C'était réalisateur. réalisé par Leslie H. Martinson. Autant dire un mec qui a été oublié par l'histoire. Et pour les acteurs, bah, c'est les mêmes que dans la série. Donc on retrouve Adam West en Batman, Burt Ward en Robin. Et on retrouve aussi tous les méchants du film avec Catwoman, le Joker, le Pingouin, le Riddler. Et on retrouve comment dire, tous les compagnons de Batman avec Alfred, le Gordon, le Chief O'Hara, la tante Harriet, pardon. La fameuse. Elle aussi a été oubliée par l'histoire, tant mieux. Du coup, j'ai parlé du réalisateur oublié par l'histoire. Il a quand même un nombre de séries en tant que réalisateur assez impressionnant à Ah son actif. Sa carrière, elle va de 1952 à 1985. Dans le désordre comme ça, là, si je parcours la liste et que je vois des choses que je connais, je peux vous dire qu'il a travaillé évidemment sur la série Batman 1966, évidemment. évidemment. Il a travaillé aussi sur la série Green Hornet, sur la série Wonder Woman, sur la série, qu'est-ce que j'ai vu encore? Buck Rogers, Arnold et Willy, Que du bon goût, la série quoi. She-Hulk, toutes ces grandes séries, Super Jamie aussi, enfin Bionic Woman en anglais, Les Robinsons Suisses, enfin voilà, il a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries, L'homme qui valait 3 milliards. Donc après, Ironside. peut-être qu'effectivement son nom en termes de cinéma a été oublié, mais en tout cas pour la télé, visiblement, c'est quand même un monsieur qui a compté. Et il est toujours en vie. Il a eu 100 ans. Sans Voilà. déconner. Ah Et ouais. ben, ça conserve de faire un film comme ça. Ah bah au moins il peut rire. Tu vois, comme dit le Joker, une blague par jour rend le cœur moins lourd. Et sachant que s'il se fait ce film tous les jours, il doit repousser son espérance de vie jusqu'à loin. C'est très bien. Le casting est évidemment le même que celui de la série télé. À l'exception de Catwoman, je crois. Du coup, je sais pas si tu l'avais dit Arnaud en présentant le film, puisque Si. j'étais en train de regarder la liste des travaux de ce monsieur. Monsieur Martinson, j'avais déjà oublié son nom. Il faut quand même aussi signaler la musique, donc que vous avez entendu en générique de ce podcast, évidemment, de Nelson Riddle et Neil Hefti, parce que quand même, c'est un thème maintenant Faut aller le chercher, ce genre de plus que thème. connu, certes, qui a vécu, qui revêt un côté un peu kitsch, mais quand même. Les années 60. C'est ça. Budget du film, 1 377 000 dollars. Et tout se voit. Ça On voit chaque centime. C'est ça. Chaque centime a été utilisé de manière utile dans ce film. parcimonieuse. Allez, on va commencer avec bon, l'histoire peut-être, ce que font l'histoire. Il y a quand même un scénario assez, Recherché. quand on y réfléchit, assez recherché, assez construit, avec pas mal de rebondissements. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, voilà, il y a quand même, quand on y réfléchit bien, une intrigue qui se tient. Oui, de leur point de vue, probablement. Le Joker, Catwoman, le Sphinx, le Pingouin, les quatre super vilains de Batman qui se sont alliés, qui ont enlevé un marin, c'est ça, hein, avec son yacht, et puis qui menacent évidemment le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que évidemment leur objectif c'est un peu de bouleverser le monde et pourquoi pas d'en prendre les commandes. Et puis évidemment, on va voir Batman et Robin, accompagnés de Alfred, parce qu'Alfred accompagne vraiment les personnages dans leur quête, qui vont tenter, bien sûr, de déjouer ces plans-là. Et c'est la première fois qu'ils ont affaire à une association de brigands, comme ils disent, de gredins. Et du coup, bah, évidemment, à une bande de criminels. Et du coup, évidemment, ça méritait bien les 105 minutes du film. Parce que oui, 1h45 quand même pour un film de 1966. Ah non, mais ils se sont donnés, hein. C'est vachement long. Bon, alors, par quoi on commence? Parce que là... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas par quel côté l'aborder, ce truc-là. Bah, d'abord, peut-être, est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Parce que c'est quand même la question de base à chaque fois qu'on parle d'un film. Est-ce qu'il nous a plu ou est-ce qu'il nous a pas plu, Arnaud? Je crois qu'un film pareil, tu peux pas dire si tu l'as aimé ou pas. C'est tellement... C'est une particulier, expérience. Disons, oui, c'est une véritable expérience que non, enfin, si on aime, il y a des gens qui n'aiment pas les parodies et les choses décalées, forcément ces personnes-là vont pas du tout aimer. C'est pas mon cas et du coup forcément oui, je sais pas si un, à dire que je vais pas en avoir un souvenir impérissable, mais je suis passé 1h45 plutôt sympathique et en plus je l'ai vu au cinéma. Parce qu'il est ressorti au moment de la sortie de Batman v Superman. Il est ressorti dans une salle parisienne. Et déjà c'est quelque chose de le voir avec d'autres personnes. Surtout que la moyenne d'âge était de 30-40 ans. Donc des gens qui avaient sans doute déjà vu la série animée, dans leur enfance. Ou qui avaient peut-être déjà vu le film, et qui en plus, il y avait des personnes qui se mettaient à exploser de rire, parfois même avant les blagues eux-mêmes, donc ils devaient sans doute bien connaître ce film. Ce qui m'a un petit peu effrayé quand même, hein, de voir que des gens étaient aussi fans. Il y a un père qui a même amené son enfant de 10-12 ans voir le film. Ça a dû être le choc s'il l'avait emmené voir BVS avant. Après, il l'emmènera voir le Dark Knight, et là, le fils va dire... C'est autre chose. Mais non, dans l'ensemble, je passe un bon moment, c'est super marrant. Surtout avec tout leur rebondissement, entre guillemets, comme tu disais, et tous plus loufoques les uns que les autres, avec des situations vraiment hallucinantes. Et tous les gadgets qu'ils ont inventés aussi. On en parlera de ces gadgets, on fera une section spéciale, parce que vraiment... Et du lourd. Donc ouais, avec tout ça, tu passes forcément un moment sympathique... À t'éclater. Et toi, Léo, tu l'as vu au cinéma? Non, j'ai pu l'avoir en DVD, donc je l'ai eu. Mais tu l'ai as donc un bad DVD. Un fameux bad DVD. Mais je l'ai vu dans de bonnes conditions, enfin sur un projecteur. Et, voilà. En parenthèse, juste pour compléter ce que disait Arnaud, l'image du film, enfin, est revenue, et enfin, le film lui-même est revenu un peu au goût du jour, probablement aussi parce que des youtubeurs en ont reparlé, comme Links the Sun et le joueur du grenier, comme ils en ont reparlé, ils ont fait des émissions comme ça, qui font 2 millions de vues peut-être sur YouTube, ça a un petit peu aidé, et si, pour peu que les gens savaient qu'il ressortait, ça a dû peut-être mener les gens à le voir. Il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a aussi eu l'édition Blu-ray là, qui est sortie de la série télé. Hein, la série télé est sortie en Blu-ray l'année dernière. Elle a été épuisée hyper rapidement. Je pense que ça a un peu pris tout le monde de court. Ils ont même sorti des éditions collector à 160€, je crois, avec une reproduction de la Batmobile. Ça aussi, ça s'est vendu en temps record. Hein, donc, ils ont été obligés de refaire un coffret un peu plus simple, etc. Donc, il y avait quand même un vrai succès aussi autour de la série. Pour les 50 ans, ça me paraissait plutôt normal que ça ressorte soit en DVD, soit au cinéma. Et au final, je pense qu'on aura les deux. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Ah, je savais pas pour l'influence DVD, tout ça, d'accord, ok. En plus, c'est une version, on l'a pas dit, mais ce qui est ressorti au cinéma là, c'est une version restaurée du film. Hein. Oui, donc il y a déjà eu un travail de restauration de l'image et du son. Aussi bien restauré que la série télé, hein. Vraiment, c'est une restauration de qualité. Ouais, non, c'était plutôt beau, enfin, apprécié. Après, bon, les décors, les machins, tout ça, on en parlera après. C'est moins, voilà, c'est moins restauré. Après, sinon, le film, j'avoue, moi, je me suis marré tout le film parce que, enfin, c'est tellement improbable et tellement hallucinant, tellement complètement jeté, délirant, décalé que, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'en effet, comme l'a dit Arnaud, c'est une expérience et soit on y est réceptif, soit on ne l'est pas. Si on part avec l'idée de voir un film ultra sérieux, tout ça, bah, c'est même pas la peine. Enfin, non, autant aller revoir un film de Burton, c'est non. Apparemment, voilà. Le film est déjà ressorti en DVD. le 15 avril. Hein. D'accord. Donc, ouais, c'est dispo en DVD, du coup. On dit depuis tout à l'heure, on parle de parodie, etc. Effectivement, c'est parodique, mais pas tant que ça, par rapport aux comics de l'époque, qui étaient quand même loin des comics de notre époque actuelle, où Batman a un ton plutôt très sombre, très sérieux, etc. À cette époque-là, on est bien avant les œuvres de Miller et compagnie qui ont vraiment donné un tournant à Batman. Et Batman est quand même plus lumineux, plus léger, entre guillemets. Alors, on est loin de ce que nous propose hein, la série avec Adam West et Burt Ward, et puis très loin de ce film-là aussi. Ça reste bien effectivement une parodie, mais quand même, dans les comics, on n'était pas aussi sombre qu'actuellement. Juste pour resituer un petit peu le contexte. Bon, bah moi aussi, hein, de toute façon, j'ai aimé ce film. De toute façon, j'ai l'intégrale de la série en Blu-ray. Donc, il y a un moment, c'est que je suis aussi un public pour ça, quoi. Donc, oui, bien sûr, j'ai bien aimé. Adam West, c'est un Batman assez légendaire. Et en plus, enfin, juste son costume, tout, quoi, tout est Batman. Alors, j'ai juste eu une déception, hein, quand même. Je vais spoiler. Voilà, on n'a pas le Batouzi dans le film. Ouais, moi aussi. Le Batouzi n'est que dans la série télé, bon, dès les premiers épisodes, hein, le premier épisode d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais bien aimé un petit peu de Batouzi à la fin pour célébrer la victoire, parce qu'évidemment, hein, dans un film comme ça, tout se finit bien. Il n'y a pas de Mais surprise, non? voilà, j'aurais bien aimé une petite danse comme ça, hein, qui sorte un peu en boîte pour aller fêter ça. Ou alors qu'il danse ça avec Catwoman, pourquoi pas? Bref. Pas non, la femme chatte. Non, comment ils disent? Chatte femme? La femme chat? La femme En chat, VF, ouais. c'est un nom assez bizarre. Non, c'est Catwoman dans les Ah non, non, non, sous-titres. en VF, c'est pas Catwoman sur le bas Ah, des tu l'as regardé BD. en VF. Oui, bah, le bas des BD, c'est de la VF, hein, j'ai pas eu le choix. Ah, c'est vrai que je l'ai vu en VF aussi, c'est la femme chat, C'est Mathieu. femme chat, ouais, il l'appelle un truc, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est une VF d'origine. Je pense pas que ça a été redoublé. Hein. Quoique, c'est pas les mêmes voix que la série télé, j'ai l'impression. Enfin bon, bref, je sais pas trop. Que dire, que dire, que dire? Allez, vous avez parlé des gadgets, donc ça va peut-être nous lancer, nous permettre un petit peu de parler un peu plus en détail de ce qui nous a tant plu et tant fait rire. On parlait du budget tout à l'heure d'un million et quelques, 1 377 000 $. Je pense qu'une grande partie a été mise dans les véhicules. Bah, il y en a un paquet, oui. On a une gamme de véhicules tous plus fantastiques les uns que les autres. Évidemment, la Batmobile, la belle Batmobile Tellement belle. cabriolet avec le logo en rouge dessus. Enfin, magnifique. Le Batcopter. Oui, nouvelle invention. Le Batcopter avec des ailes un peu en tissu, je La pense, qui chauve-souris. sont pour donner la forme de la chauve-souris. On voit d'ailleurs même les ficelles qui relient pour tenir ces ailes-là. On a un Batplaneur. Le Batcopter, d'ailleurs, qui est quand même tellement célèbre que quand les gens le voient passer Batman, tu vois, ils font « Ah, c'est bien, Ils font parce que c'est leur coucou, premier oui. rôle par Batman. Les policiers qui enlèvent leur casquette et la mettent contre leur cœur pour marquer leur respect à Batman. Enfin, c'est Il c'est y a le sublime. Bat-Pateau aussi. Le Bat-Bateau, oui. La Un espèce de Batmobo. zodiaque d'un bleu bien criard. On a un Bat-Planeur, je disais tout à l'heure aussi. Une La Bat-Moto, Batmoto. la Bat-Moto, avec cette fonctionnalité quand même très pratique, qui est de détacher le sidecar hein, dans lequel se trouve Robin pour qu'ils puissent se retrouver chacun d'un côté et de l'autre du Batcopter quand ils arrivent et pouvoir monter. C'est Magnifique. magnifique. Et il y a le meilleur. Oui, il en reste un, oui. Le bat spray. Non, c'est pas un. Aïe. Alors, c'est pas un Ah, véhicule, ou alors faut que tu gadget. m'expliques. Ah oui, non, non, non. Non, mais Non, non, il y a encore mieux dans les véhicules. Il reste un. Il y a le sous-marin du pingouin, qui Et est oui. en forme de pingouin. Voilà, avec deux petites Oui. palmes à l'arrière qui battent en rythme pour faire avancer ce sous-marin. Si vous n'avez jamais vu le sous-marin du pingouin dans le film, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment à voir. Mais moi, mon coup de cœur en termes de véhicule, c'est les parapluies volants du pingouin. Ah oui, Ah ben, Voilà. ça. Si déjà les balais dans Harry Potter vous paraissaient bizarres, imaginez la même chose avec des parapluies géants. Voilà, ben c'est ça. Et du coup, moi, ce moment-là, quand les parapluies arrivent, c'est quand même. Ils sont tellement heureux dessus en plus. Et ouais, le Joker, on a l'impression que c'est Noël, comme pour lui. Incroyable. Donc, on a aussi les gadgets, tu disais tout à l'heure, le bat spray pour repousser les requins. Plus, il y a toute une gamme dans son Batcopter. C'est ça, il y a toute une gamme de sprays différents pour repousser. Évidemment, il y a le spray requin, puisqu'à ce moment-là, Batman a la jambe coincée dans un requin. Explosif, un Un requin requin explosif. explosif, et alors un requin plus vrai que nature. Petit requin en mousse, on peut le dire, hein. En mousse ou plastique? Oh, je pense que c'était de la mousse. Parce qu'il était quand même bien souple et tout. Et puis on voit un peu comme à un moment aussi, il tombe dans une espèce de tapis là, de mousse avec l'hélicoptère, quand l'hélicoptère se crache. J'ai un peu l'impression que les requins étaient faits dans la même matière. D'accord. J'ai pas autant analysé. Ah bon, en même temps, avec une si belle qualité d'image, on a bien le temps de voir tous les, tous les détails de ce batcoptère, de ce requin. On n'a pas vu la pieuvre, malheureusement. Le Joker a parlé plusieurs fois de sa pieuvre explosive. J'aurais bien aimé la voir. Parce ouais. Le requin était tellement beau. et puis quoi d'autre? Les costumes, quand même. Notamment celui du Riddler. Bah oui, enfin un truc, c'est un drap en fait. C'est un truc hyper moulant. Oui voilà, on est dans du moulant, clairement. Et ouais, le Riddler par rapport aux autres, je pense qu'ils étaient arrivés au bout du budget et qu'il restait plus que son costume à faire. Ils lui ont collé ça. Parce que le pingouin est quand même plus classe, le Joker aussi. Oui, hein. Il est en costume. Le Joker aussi a un truc assez sympa. Catwoman, attention, il y a du cuir, donc ça a dû coûter cher aussi. Mais le Riddler, c'est un peu. Mais lui, c'est un bout de tissu. C'est un peu de récup. C'est un peu le Riddler du pauvre. C'est ça. Ah, plains-toi après de Gotham, non, mais il est. Enfin, je sais pas lequel est le plus frappant à l'œil comme ça entre celui de Jim Carrey et celui de ce Batman. Celui de Jim Carrey est frappant parce que voilà, mais le Riddler, il est un peu triste quoi en fait celui-là. Oui, il est un peu. C'est ça, ça fait la peine pour lui en fait. Bah, 1 500 000, tu vois, bah, ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient pas de budget pour son costume, mais par contre, ils ont eu les budgets pour les effets spéciaux sur ces missiles qui explosent en l'air en dévoilant un message énigme en fumée, enfin en nuage, ah, je ne sais pas comment. D'ailleurs, des énigmes, on en parle une seconde de ces énigmes. Et surtout l'énigme de fin. Et de comment, à un moment ou un autre, quand on a ce genre d'énigme, comment on peut partir de cette énigme-là et arriver à la solution proposée. Et Batman arrive très facilement. Enfin, genre l'énigme qui aboutit sur œuf et compote, hein, parce que les deux réponses aux questions, c'est œuf et compote. Donc avec œuf et compote, ils arrivent à trouver que c'est les Nations Unies quand même. Non, mais celle-là, elle était géniale. Enfin, c'était le summum. Je crois qu'ils l'ont gardé spécialement pour la fin parce que c'est tellement improbable. C'est tellement improbable. Et je crois, je suis presque sûr que ces mêmes énigmes, œuf et compote qui aboutissent à un résultat, c'est aussi dans la série. Il me semble que dans un épisode que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, il y avait ça. Mais que la réponse n'est pas la même. Ce serait intéressant de retrouver. Justement. Donc ils ont récupéré la question, mais la réponse, il me semble, c'était pas la même. Et puis, j'ai pas l'impression que les Nations Unies interviennent. Quoi que, peut-être. Je sais plus. Donc voilà. C'est probable quand même. Donc, bien belles énigmes du Riddler. On a une Catwoman qui se fait nommer Kit Kat, mais. mais c'est pas grave. Elle s'appelle Kit Kat, mais à aucun moment on fait le rapprochement. Oh mon Dieu. Plus grand détective du monde. Plus grand détective du monde qui voit pas son accent russe à deux balles aussi. C'est clair. Aussi. Plus grand détective du monde qui laisse sa Batmobile avec son chauffeur et Robin à l'intérieur aux yeux et au su de tous. Bah oui. Mais Alfred, personne ne le voit, donc on ne le connaît pas. Alors, Alfred, très présent, hein, qui participe à l'enquête, je disais tout à l'heure. Qui... Ouais. Et qui pourtant n'a aucun relief. C'est juste un. Si, sur ses lunettes. Je ne sais pas si vous avez vu les lunettes qu'il a, c'est quand même assez... quand il conduit notamment. C'est assez particulier. Ah oui, le petit masque noir là en plus. Oui, bah, c'est pour pas qu'on le reconnaisse, je pense. Ah bah oui, bien sûr. C'est comme la femme chat, tu vois, personne ne la reconnaît, c'est juste. Voilà. Mais il y a quand même. Surtout qu'il y a un jeu en plus, il y a un jeu où elle se déguise en Kit Kat et en Catwoman à 2 minutes près et dans la même pièce et il remarque rien du tout. Ouais, c'est parce qu'il y a le labyrinthe spirale. C'est pour ça. Non, c'est qu'il a utilisé toute son intelligence pour l'énigme du Riddler précédent. C'est ça. Mais tu vois, l'énigme du Riddler, cette espèce de spray à requin complètement improbable, le requin en carton-pâte, enfin, tout ça, ça fait, c'est des symboles quoi, de ce qu'est ce film. Il y a deux autres symboles quand même. La scène de la bombe. Oh, elle est magnifique. Donc Batman trouve une espèce de bombe, enfin la bombe comme Géante. on voit dans les cartoons, hein, bien rond avec la mèche qui avec des petites étincelles dessus pour bien montrer que ça va exploser et tout ça, et qui prend cette bombe, qui veut la jeter, qui court un peu partout, et à chaque fois qu'il arrive à un endroit, il peut s'en débarrasser, bah soit il y a un enfant, soit si c'est Des nonnes, hein. dans l'eau, il y a des petits canetons, et il veut pas jeter la bombe sur les petits canetons, c'est pas possible. Donc il se trimballe comme ça pendant au moins 3 ou 4 minutes avec cette bombe dans les mains. C'est assez long, ça. Et puis ça donne droit évidemment à la réplique que je vous ai retranscrite en début d'émission avant le générique. Il y a des jours où c'est vraiment difficile de se débarrasser d'une bombe. C'était magnifique. Voilà, et du coup j'avais cette carte postale promotionnelle du film là Non, pareil. Moi aussi. et je comprenais pas pourquoi cette phrase, qu'est-ce que c'était, de quelle bombe il s'agissait, etc. Ben, j'ai vite compris. Maintenant, oui, tu vas plus l'oublier. Non, non, c'est une phrase qui sera gravée dans ma mémoire. Et puis le deuxième grand moment aussi culte que je retiens aussi, enfin pas moment, c'est l'idée en fait, c'est le concept de déshydratation. Ah bah C'est c'est pareil, il marrant. fallait le chercher. Donc voilà, on va déshydrater des hommes, des pirates, des je sais pas quoi, des gredins, pour aller les réhydrater avec de l'eau, Dans la Yamaka. et hop, ils redeviennent humains. Mais là, c'est un peu le summum, quoi. C'est là que le film atteint vraiment son apogée du what the fuck. Là on atteint le point drogue là. Quand on arrive là, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont pris quoi? Et puis évidemment, il y a 9 personnes à l'ONU quand ils déshydratent, parce que leur objectif après c'est de déshydrater les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour les éliminer tout simplement, et à obtenir des rançons aussi avant de les et de les réhydrater en échange de leur rançon. Mais ça c'est complètement hallucinant la phrase que je suis en train de faire. On parle quand même de déshydrater des gens, de payer une rançon et de les réhydrater après. Que pour ce film, Et probablement. ça nous paraît normal. Maintenant, oui. Donc quand ils déshydratent ces personnes, la poudre prend une couleur différente pour chacun. Ah oui, c'est le passage un peu américain du film, probablement, parce C'est que ça. c'est là qu'il montre un peu. Enfin, ils partent limite dans les clichés, un truc genre le russe, évidemment, la poudre est rouge. Bah oui. En même temps, on est en 66, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment ça et tu as d'autres passages un peu qui font que Batman est un peu le mec le plus intelligent dans la salle, la parodie de russe que joue la femme chat, etc. Et sachant qu'on est en 66, donc en pleine guerre froide, il y a un peu un côté américain en plus du côté parodique de néo-film qui fait un mélange assez savoureux et que tu retrouves dans cette espèce de réhydratation, déshydratation Non, mais c'est un assez peu. incroyable ce phénomène de déshydratation. Donc, pour ceux qui visualisent, qui n'ont pas vu le film et qui seraient peut-être intéressés par tout ce qu'on raconte, le phénomène de la déshydratation se fait comment? Se fait qu'une espèce de pistolet qui envoie un rayon, et ce rayon absorbe toute l'eau qui se trouve dans le corps, et donc, dans un effet spécial absolument hallucinant, l'être humain disparaît et ne reste qu'un petit tas de poudre colorée. Avec plein de couleurs différentes, du vert, du Le rose. tout recueilli dans des tubes à essai, et après il va s'agir de réinjecter de l'eau dans cette poudre, ou juste de mettre de l'eau sur cette poudre, en fait, ça fait réapparaître, là encore L'humain. dans un effet spécial formidable, l'être humain. Voilà. Sauf qu'il y a cette histoire de mélange, et toutes les poudres se retrouvent mélangées, et comme par hasard, Il Batman a tient la un mafie. séparateur de poudre. Batman a un séparateur de. Comment? Un séparateur. De particules, non? De poudre, un truc comme ça, bref. Et comme par hasard encore, il y a pile la place pour mettre 9 tubes dans sa machine. Évidemment. Le monde est. C'était l'idée scénaristique à 1,5 million de dollars, Voilà, donc le monde est quand même bien fait. quoi. J'ai trouvé le nom. Ça s'appelle un super molécular dust separator. Voilà, séparateur de poussière, c'est ça. Séparateur de poussière moléculaire. Un super séparateur de poussière moléculaire. Voilà. Voilà, tu avais la Ils vont cuisine chercher loin. moléculaire, maintenant Même c'est la dans les noms, poussière. ils vont chercher loin. Donc ça veut dire qu'un jour, quand il a fait sa petite Batcave, qu'il a construit ses gadgets, etc., il s'est dit un jour, je vais avoir besoin de séparer 9 poussières différentes. Donc il faut que je Voilà. fasse une machine. Et Magnifique. il a bien fait, parce que sinon le Conseil de sécurité de l'ONU, on le perdait sans ça. Batman, le plus grand détective du monde. Et Il avait cette des belle petite morale à la fin, une fois que les personnes sont réhydratées, mais qu'il y a quand même quelques particules de poudre qui sont un peu mélangées et du coup ça a un petit peu fait quelques petites modifications chez les personnes de l'ONU et Robin qui trouve ça beau parce que finalement c'est peut-être ce mélange qui va permettre à la paix de durer. d'Amérique, quoi. C'est ça. Bah, Robin, c'est un peu le personnage moralisateur du film. Entre ses petits Oui. propos comme ça, sur l'alcool notamment, Oui. il a plusieurs réflexions sur l'alcool, sur les alcooliques, etc. Voilà, des petits messages. Bah, il y a ce message aussi sur le mélange, effectivement, qui favorisera la paix, etc. Je crois même qu'il fait un message au niveau de la sécurité routière à un moment. C'est pas Batman qui fait un message sur la sécurité routière? Ah, il me semblait que c'était Robin. Et Comme ce qui du quoi coup les me deux? paraissait pas mal, parce que c'est le petit garçon en fait, c'est l'enfant des deux qui Peut-être. fait le message, donc à la destination des enfants de l'époque. Comme Peut-être, je sais ils plus. sont pas collés tous les deux de toute façon. Oui, en même temps. Mais il y a un autre, y a une autre exaltation des valeurs qu'il ne faut pas oublier dans ce film. Attention. On a donc vu le sous-marin du pingouin avec ses petites palmes et son périscope avec une tête de pingouin. Oui. Absolument pas discret. Mais surtout, Je donc vois où tu veux en venir, vas-y, ouais, j'ai compris. il envoie des torpilles et puis on croit qu'il y a, enfin, on en voit une avec on croit que Batman va et Robin vont la prendre parce que cette fois ils n'ont plus rien, ils n'ont même plus leur je sais plus, je crois qu'ils ont Leur leur propre torpille. inverseur magnétique. Ah non, voilà, l'inverseur magnétique, voilà, oui. Là Le aussi Batman bat-inverseur. voilà, je sais Pour pas lui comment qui il met fait le bat devant tout. Oui. Il est prêt à tout, il a tout prévu, tu vois, pour chaque situation, il doit avoir, je sais pas, son costume, il doit peser 10 tonnes, alors que, voilà. Mais alors, le mieux, c'est quand même, voilà, on croit que cette fois, Batman et Robin sont morts, il y a tous les méchants qui sautent de joie, qui se sautent dans les bras, c'est vraiment magnifique. Et puis, finalement, reparaissent Batman et Robin, sur leur petit hors-bord, et il dit, quel courage, Robin, et quelle noblesse de la part de ce marsouin, de s'être mis entre la torpille et nous. Oui, c'est vrai, il s'est Oui, sacrifié pour eux. Robin. Donc il lui rend hommage, effectivement. Ouais, belle, voilà, respect de la vie animale. Ce qui d'ailleurs plus tard conduira Batman à épargner ses petits canetons. Parce Oui. que si le marsouin ne s'était pas sacrifié, peut-être que finalement les choses auraient été différentes pour ses canards. C'est fou. Comme quoi tout est lié dans ce film. Ah, mais fou. Donc oui, effectivement, on a plein de choses sur les valeurs, également la petite prière. Avant de réhydrater les membres du Conseil de sécurité, on prend un moment pour se recueillir. Et d'ailleurs, il y a Batman qui dédramatise complètement le moment, d'ailleurs, au bout de 3 secondes de silence, qui reprend la parole avec une intonation particulièrement drôle. Donc bah voilà, Batman 66, le film, c'est tout ça. C'est du rire en boîte, c'est du what the fuck permanent, c'est la détente absolue, C'est tout ça et encore beaucoup d'autres choses. et encore beaucoup d'autres choses. C'est une expérience individuelle et collective à la fois, quoi. C'est unique, c'est une Et expérience unique. Ces petites ça peut images pas dans se le monde refaire à entier, côté, c'est bien, quoi. ces petites images dans le monde entier, dans toutes les langues, pour relayer le message que transmet Batman via la voix du président des États-Unis. Notamment ces scènes de liesse, parce que tout le monde entier est suspendu en fait à cette scène de réhydratation quand ils ont récupéré les poudres séparées et tout ça, qu'ils les réinstallent sur leur siège, qu'ils sont prêts à leur injecter de l'eau pour qu'ils reviennent, etc. La vie du monde entier s'arrête en fait, dans tous les pays concernés, tout s'arrête et tout le monde n'a d'yeux que vers les écrans de télé pour ceux qui en ont, ou vers les radios, etc., pour entendre les messages. Et la vie du monde est suspendue et chaque phrase que Batman va prononcer au téléphone va être relayée après dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, et ça va déclencher une scène de liesse, notamment à la fin, au moment où ils ont réussi. Ah, c'est incroyable. Ah non, mais c'est fou, la parole de Batman est parole d'évangile, tu vois, tout ce qui balance, de toute façon, est quelque chose qui est là soit pour promouvoir une morale, soit pour montrer qu'il a une intelligence sur les autres, soit pour exalter quelque chose, genre quand ils sont dans leur voiture, il y a des embouteillages, qu'est-ce qu'on fait? On prend un truc, on prend autre chose et tout. Non, Ordine, nous tenons une forme optimum, nous y serons plus vite en courant. Et donc, ils courent dans toute la vie avec tout le monde qui les regarde passer, effectivement. Mais il y a déjà, on en parle dans les derniers films DC notamment, hein, cette espèce de vision un peu déifiée des héros. Mais déjà là, on l'a, hein, avec le passage du Batcopter où tout le monde s'arrête pour le regarder. Les Américains, les policiers qui mettent leur casquette sur le cœur et leurs mains sur le cœur, comme on a dit. Bon, il y a aussi évidemment ces nanas en maillot de bain qui sont complètement frénétiques au passage de l'hélicoptère. Et Je m'en fais Batman, toujours qu'en plus, qui leur dit non, pas cette fois, les filles. Je me suis un peu de ça. Donc, on a aussi le côté un peu playboy de Bruce Wayne qui est un peu mis ici. Donc, il y a ça, il y a effectivement le monde suspendu aux lèvres de Batman sur la fin, le fait qu'il prie, etc. Le passage au téléphone, là, quand il dit Commissaire, vous avez vous vendez un sous-marin à quelqu'un qui ne vous laisse même pas votre adresse. Je ne vous félicite pas. C'est vrai. Et puis aussi, il y a le moment où tout, dans la conférence de presse où tout le monde est choqué que Kit Kat demande à Batman de se démasquer. Ouais, c'est parce ça. Que c'est ça une forme d'hérésie presque de comment dire de blasphème en fait. Ouais. C'est un peu pris comme ça par les gens présents, etc. Donc ça viendrait même pas, ça vient à l'esprit de personne en fait que bah oui, quelqu'un sous le masque et voilà. Alors qu'il pourrait l'attraper et lui enlever facilement son masque. Oui, parce que là oui, c'est pas le mais Batman hyper badass, hyper. Ouais, on est loin de Batman et Gary Oldman dans The Dark Knight à côté du Bat Signal en mode. Bah non, là c'est limite s'ils font pas une fête à chaque fois qu'il arrive à la mairie. C'est un peu ça. Il n'est pas surentraîné quoi en plus. Hein. Non, c'est un. Il est très costaud. Et puis on a quelques petites choses qui sont caractéristiques de la série télé, qui sont des petits gimmicks comme ça de la série télé. Les scènes d'ascension avec la batcorde et le batgrappin pour monter un immeuble qui sont absolument incroyables. Et il y a toujours une tête qui sort de la fenêtre. Enfin, voilà, moi à chaque fois ça me fait rire. Chaque épisode il y a ça dans la série, mais à chaque fois je rigole. On a ça et puis on a les onomatopées. Oui, les onomatopées à la fin. Les onomatopées qui apparaissent pendant le combat. Alors, on n'y a droit que dans le combat final. Fallait garder le meilleur pour la fin. Et du coup, je sais pas si vous avez vu des épisodes déjà de la série télé. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Et moi, du coup, pendant la première demi-heure du film, je me suis dit, dis donc, c'est vachement plus sérieux que la série télé. Avec toutes ces images. Il y avait quand même toutes ces images. Plus sérieux, attends, il y a un requin explosif. Oui, il y a le requin explosif en mousse, d'accord. Mais en dehors de ça, on a quand même des images vachement, pour l'époque, je trouve, vachement bien tournées. Toutes ces scènes en pleine mer avec le batcoptère. Enfin, voilà, c'est quand même des images qui sont assez jolies, assez bien réalisées pour l'époque. Et le ton est quand même beaucoup moins léger par rapport à la série où, dès la première minute dans chaque épisode, il y a un truc absolument hallucinant qui se passe et voilà, qui décrédibilise tout. Là, quand même, il y a un petit moment, ça s'installe progressivement, mais une fois qu'ils ont commencé à l'installer, ils s'arrêtent plus, quoi. La machine s'emballe et ce n'est que du what the fuck jusqu'à la fin. Même jusqu'à la fin, quand ils s'en vont discrètement. Oui. Et jusqu'à la fin, mais aussi au début, c'est-à-dire que ils envoient une espèce d'apostrophe au spectateur, puisque dans au début du film, t'as un message des producteurs pour dire on espère que vous allez vous amuser. Ils s'adressent à plein de communautés, etc., qui sont de plus en plus rigolotes. Et il y a même un petit message encore après qui dit si on a oublié un groupe de fans, excusez-nous. Le film est pour vous aussi. Donc, Batman 66, c'est une expérience. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Pour le film. C'est le mot. Donc on va étendre peut-être un petit peu pour terminer, on va étendre un petit peu peut-être dire deux mots de l'univers étendu Batman 66, parce que oui, il y a un univers étendu Batman 66, c'est incroyable à dire quand même, puisque Batman 66 c'est le film, mais il est, comme on l'a dit au début, entre deux saisons de la série télé. Donc la série télé qui a commencé le 12 janvier 66, qui a duré jusqu'au 14 mars 68, donc un peu plus de deux ans, trois saisons, 120 épisodes. Putain, 25 minutes. On a quand même des saisons un petit peu à rallonge, hein, puisque la saison 1 fait 34 épisodes, la saison 2 elle est incroyable, elle fait 60 épisodes, et la saison 3 elle a 26 épisodes quant à elle. Voilà. C'est dans la moyenne de l'époque. Hein. Oui, parce que c'était diffusé deux fois par semaine. Les épisodes faisaient 25 minutes, et en fait c'était à chaque fois des moitiés d'intrigue. Donc on avait, je crois que c'était le lundi et le mardi, et on avait le lundi une première moitié d'histoire avec un cliffhanger, évidemment. Un cliffhanger absolument haletant, hein, qui nous faisait patienter péniblement jusqu'au mardi soir où on avait la suite et la deuxième moitié de l'épisode. Et puis après, on était reparti lundi, mardi pour un autre épisode en deux parties, etc. Voilà. Donc c'est pour ça, évidemment, que, on a une saison 2 aussi longue à 60 épisodes, puisque du coup, c'est sur 30 semaines. Et puis, il n'y avait pas toutes les pauses qu'on a maintenant. Voilà. Non. Souvent, les premières saisons de Dallas, c'est pareil. C'est plus tard Dallas, mais pareil, t'as des saisons à 40 épisodes. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Parce qu'on produisait ces séries-là aussi d'une autre manière. Là, maintenant, on tourne les choses sur quelques mois et puis on y revient après. Et là-bas, à cette époque-là, on n'y avait pas autant. On tournait quasiment en continu. Enfin, voilà. Puis c'était très rapproché de la diffusion en plus, ce qui était tourné. Puisque dites-vous que ce film Batman a été tourné entre avril. Autour d'avril 66 et est sorti en juillet au cinéma. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est, très rapide. il me semble que c'est ce que j'ai vu. Donc le rythme, voilà, ça explique aussi la grande qualité des effets. Donc le tournage, voilà, du 25 avril au 31 mai 66. Donc 31 mai, il sortait du tournage et le film est sorti en juillet. Oh la vache. Il y a eu moins de 2 mois entre le tournage et le film. Ouais, il a fallu faire de la post-prod sur le requin, sur le bat spray, sur plein de choses. Sur les costumes, sur. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait pas de fond vert. Hein. Non. Il y avait des fonds bleus quand même déjà à l'époque. Enfin, les années. Sinon, les années 60, il y en avait déjà. D'accord. Mais je savais pas, tu vois. Hitchcock, on utilisait. Les fonds bleus à l'époque, par contre, c'était moins performant. Ouais, en même temps, ça se voit. Donc voilà, la série télé, 120 épisodes, qui a duré un peu plus de 2 ans avec évidemment les mêmes acteurs, hein, c'est-à-dire Adam West en Batman, Burt Ward en Dick Grayson. Et alors, qui joue du coup on avait un narrateur dans la série télé, par contre, qui nous faisait, qui nous racontait un petit peu ce Mais c'est qui. pas le même, là. Il n'y avait pas de narrateur dans le film. Ouais, ah, c'est ce qui me semble. Il n'y avait pas de narrateur dans le film, mais dans la série télé, il y en a un, Ah, c'était William oui. Dozier, qui le jouait. Et alors, je suis en train de chercher qui joue Catwoman. Non, c'est pas la même, effectivement. Pas la même, ouais. La même affaire. C'est Julie Newmar qui la joue dans la série. D'accord. Effectivement, ce n'est pas la même personne. Et puis César Romero en Joker, quoi. Ah, il est magnifique. Putain, qu'est-ce qu'il rit en plus? Rien qu'il rit. D'ailleurs, déception. Moi, je m'attendais à ce que le Joker ait plus de place. Et en fait, non. C'est l'homme mystère, limite, qui est le cerveau de la bande. Et le Joker fait que. Enfin, rit beaucoup. Et la femme chat aussi est quand même. C'est plus elle qui dirige. La C'est elle femme chat, oui, qui est c'est arrivée quand même avec le elle qui plan. tire, ouais, c'est elle qui Ouais. tire quand même les Les ficelles, hein, pour ficelles. moi, plutôt. C'est déjà celle qui les a réunis, si je me souviens bien. C'est elle qui leur dit un petit peu quoi faire. Ouais. Oui, c'est pour moi c'est plutôt elle, hein, qui mène un peu tout ça. Je vais vous donner des noms d'acteurs qui ont participé à la série. Et vous allez voir quand même que cette série devait quand même attirer quand même des noms, hein, et faire voilà, faire un peu le buzz entre guillemets à l'époque, puisqu'on a eu des gens comme Vincent Price qui ont joué dans la série, Zsa Gabor. Alors évidemment, hein, c'est des noms, voilà, pour ceux qui n'ont regardé que des films modernes, vous connaissez pas, mais Zsa Gabor, c'est quand même une actrice. C'est l'une des dernières grandes d'Hollywood à être encore en vie. Elle a 90 et quelques années maintenant. 99 ans. Voilà. Vache. Voilà. Comme Kirk Douglas, c'est l'une des rares. Il y a Zsa Gabor, Kirk Douglas et une troisième, je crois, qui sont. Non, Olivia de Havilland, je crois, ce sont 3 survivants du Hollywood des années 40, 50 qui ont vu le McCarthyisme, etc. Enfin, donc c'est quelqu'un, Zsa Gabor. C'est Voilà, vraiment. Vincent Price, pareil, qui avait commencé sa carrière avant les années 40 et qui a une carrière avec un nombre de films absolument incroyable à son actif, jusqu'à à des films de la franchise Freddy. Il a même joué dans Edward aux mains de l'argent dans ses derniers films. Mais voilà, il a une liste de films absolument incroyable. On a aussi Otto Preminger qui a joué dans la série. Ah Oh. Là encore, quand même, voilà, c'est un nom, quoi, Otto Bah, Preminger. réalisateur de merde. Hein. Et il a joué Mr. Freeze. Sérieux? Oui! Il y a Oui, trois de la personnes, il y a deuxième trois fois. personnes qui ont joué Mr. Freeze dans la série. Un Il y a, grand comme lui a joué Mr. voilà, Freeze. il a joué Mr. Freeze. Il y a aussi George Sanders et Eli Wallach, ou je sais pas comment, qui ont joué Mr. Freeze. Mais Otto Preminger a joué Mr. Freeze. Donc c'est quand même. Non. Et j'ai encore un nom à vous donner, un nom absolument improbable. Bruce Lee a joué dans la série. Non, c'est pas Non, vrai. un truc d'ornette. Il a joué dans 3 épisodes de la saison 2, épisodes 7, 51 et 52. Il Je joue veux un voir ces personnage qui épisodes. s'appelait Kato, Kato. Bah oui, comme dans Green Hornet. D'accord. Vous connaissez pas Green Hornet? Vous avez J'ai vu jamais les... Si, si, regardé. mais j'avais pas fait le rapprochement. Voilà, on a des gens aussi comme Liberace qu'on jouait. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de grands noms qu'on peut. C'était un crossover du coup? Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc voilà, la série a aussi eu son histoire, elle est aussi entrée dans la légende. Alors pour la France, elle a été diffusée sur l'ORTF à partir de 67, Je remonte à loin tout sur la ça. deuxième chaîne de l'ORTF, et après elle a été rediffusée sur Canal+ en 84 C'est et beaucoup sur plus beau, j'avais. FR3 en 89. Voilà, c'est la dernière diffusion française, c'était sur FR3. Ouais, non, mais ça a A commencé sur priori, Rico pas là, de ça. diffusion française depuis bientôt 30 ans, quoi. Vache. Il serait peut-être temps que Cister nous la rachète, celle-là. Et puisque je vous parlais d'univers étendu, c'est pas tout. Batman 66, depuis quelques années, c'est aussi. Enfin, maintenant c'est terminé, mais enfin, ça continue, mais de manière plus épisodique. C'est aussi des comics qui reprennent les dessins de ces comics-là, ils reprennent de manière hyper fidèle les acteurs. on reconnaît Adam West, on reconnaît Burt Ward, on reconnaît tout le monde sans aucun problème. Et puis, pareil que les épisodes de la série télé, c'est des histoires découpées en trois parties. Il y a trois petites parties par épisode, avec un cliffhanger à la fin, et puis un message, comme si c'était le narrateur qui nous le racontait, etc. Enfin, voilà, c'est hyper bien fait. Et il y a même dans les comics, si vous voulez découvrir, ça sort en France, c'est pas cher, hein, c'est 5,90€, c'est des hors-série en kiosque. Le deuxième vient de sortir. Toutes les histoires sont indépendantes, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier. Là, c'est le deuxième qui sort, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre, il n'y a aucun souci. C'est des histoires indépendantes comme des épisodes stand-alone. Et dans celui qui vient de sortir, là, chez Urban Comics, c'est le Batman Univers hors série numéro 1, donc, qui vient de sortir là, fin avril, il y a l'épisode perdu, le Lost Episode. C'est-à-dire qu'ils ont fait en comics l'épisode qui a été perdu. Ils ont retrouvé un script qui, et du coup, ce script-là d'épisode, ils l'ont fait en comics. Donc, c'est un épisode qui n'a jamais été fait pour la télé. Donc, c'est une des particularités de la version papier. Un épisode qu'ils n'ont jamais pu tourner Ouais, parce que trop ambitieux, trop cher pour le budget de l'époque, etc. Enfin, voilà, il y avait plein de raisons pour lesquelles ils n'ont jamais tourné cet épisode-là. Mais maintenant, voilà, ils l'ont fait en comics. Et il est dans le numéro qui vient de sortir chez Urban, ça fait 2 semaines qu'il est dispo, je crois. D'accord. Voilà. Et dans ce numéro-là, il y a 9 épisodes, je crois. Donc il y a largement de quoi passer une bonne lecture, quoi. Il y a 100 et quelques pages pour 5,90€. Et vous retrouverez tout l'univers complètement déjanté de Batman 66. Et puis une fois que la série principale sera terminée en comics, on a plein de petits crossovers. Batman 66 meets The Man from U.N.C.L.E. Là, il y en a une qui va commencer en VO avec Emma Steed et Emma Peel et John Steed, les fameux personnages de la série The Avengers. Chapeau blanc et bottes de cuir en français, hein, pas les personnages Marvel. Ah oui. voilà, ils ont Batman meets the Green Hornet aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites séries comme ça qui ont été faites en comics, toujours dans l'univers de la série Batman 66. Donc voilà. Et puis DC avait tellement fonctionné, ça a super bien marché en numérique, ça a été fait en papier, etc. Après, et ça a tellement bien marché qu'ils se sont lancés il y a quelques mois dans Wonder Woman 77. Sérieux? Pour faire des histoires dans l'univers de la série avec Linda Carter. Ça marche? Ça a pas mal marché aussi, ça a eu son petit succès, parce que c'est des séries qui sortent de manière hebdomadaire sur Comixology à 99 centimes l'épisode, donc c'est pas un gros investissement financier, et du coup, on n'est pas obligé de tout lire, on peut piocher des blocs par-ci par-là, enfin, voilà, suffit d'en lire 3 de suite pour avoir un épisode complet, et voilà, c'est pas... Donc du coup, ouais, ça marche plutôt pas mal, ça a son petit succès, puisqu'après ça s'est fait en tirage papier, ça sort, etc. Et puis si Urban le sort, c'est qu'il y a un intérêt quelque part, c'est que le public aussi, ça fonctionne, quoi. Ouais. Ils n'auraient pas sorti un deuxième hors-série si le premier s'était cassé la gueule. Ouais, oui, je crois que les gens aiment bien. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est un univers, ça change, quoi. C'est du Batman qui change. Ça change un petit peu de la dépression et de tout ce qu'on peut avoir en ce moment sur l'univers. C'est le même personnage, mais sous LSD. C'est cool. LSD, acide, cocaïne, il a tout pris en même temps. C'est ça. Donc ben voilà, vous l'avez compris, on ne saurait que vous encourager à regarder d'abord. Peut-être commencez pas par le film, parce que c'est 1h45, et si vous adhérez pas à l'univers, ça sert à rien. Testez-vous sur un épisode de la série. Rien que le premier pour voir la danse. Voilà, le premier où il y a la danse, qui est un épisode avec le pingouin. Mm-hmm. Non, le premier c'est pas le pingouin, c'est le Riddler. Je crois. Ah, c'est le Sphinx, truc. D'ailleurs, il y a un truc un peu Égypte ancienne. Mm-hmm. Oui, puisque je crois que la boîte, en plus, elle porte un nom un peu particulier. Donc le premier, oui, il me semble, c'est avec le Riddler et le pingouin arrive après, puis le Joker, enfin, ils sont tous introduits chacun à leur tour, et voilà. Et on a le climax dans le film où les quatre s'unissent. Avec Catwoman, voilà. C'est bien pour boucler la boucle, quelque part. C'est ça. Donc, le coffret de la série télé existe en Blu-ray et en DVD. Il est régulièrement en promo sur Amazon. Vous pouvez l'avoir pour une quarantaine d'euros, je crois, les 120 épisodes. Donc, voilà, si vous accrochez à l'univers, après, l'investissement financier est pas... C'est le prix d'un gros recueil de comics, quoi. Ça. En gros. On va peut-être s'arrêter là, on va pas faire non plus d'une heure sur Batman 1966. Puis bon, il y aurait tellement de trucs à dire entre les punchlines, les machins et tout, que sinon on en aurait pour 10 ans. Bah, ne serait-ce que le légendaire, quand même, parce qu'on a parlé des petites blagues, etc., mais le To the Batmobile, Robin. Voilà, c'est quand même... Voilà, c'est une phrase culte, maintenant. Ouais, d'ailleurs, il y a quelques fois des hommages qui sont rendus dans telle ou telle œuvre. Voilà. Sans compter tout le processus pour aller à la Batmobile. Déjà, ils sautent, ils ont chacun leur petite barre, et ils ont surtout un changeur de costume direct. Ouais. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis après, ils sautent dans la Batmobile, c'est magnifique. Ouais, incroyable. Incroyable. Donc du coup, voilà, allez-y, testez. Si vous ne connaissez pas et que vous vous lancez, parce que ce qu'on vous a dit dans cette émission vous intrigue et vous donne envie d'aller voir, bah, après, vous revenez vers nous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, parce que vraiment, on est vachement curieux de savoir un petit peu de ce que vous pensez de cette série, de ce film, et éventuellement des comics là, qui sont dispo chez Urban, pour pas très cher. Voilà, revenez vous donner notre avis. Si vous connaissez cette série et ce film et ces comics, n'hésitez pas non plus en commentaire à nous dire ce que vous en pensez et ce que vous aimez dans cet univers-là et dans cette version-là du Batman. On se retrouve la semaine prochaine pour le Sur nos écrans numéro 53 et non pas 51 parce que oui, nous on est un petit peu aussi sous LSD. On a diffusé les 51, 52 avant cette 50. Et donc la semaine prochaine, c'est le numéro 53. Et le numéro 53, c'est Justice League versus Teen Titans, un film d'animation sorti il y a maintenant presque un mois du côté de la Warner. Donc on va vous en parler et puis après on enchaînera sur beaucoup beaucoup de bilans de fin de saison du côté des séries télé. Et si ce type d'émission autour de choses un petit peu rétro vous plaise, dites-le nous aussi puisque on a quelques idées pour la rentrée pour en faire d'autres de manière peut-être un peu plus régulière. Donc voilà, dites-nous si ce genre de choses vous plaît, s'il y a des films ou des séries un peu anciennes que vous aimeriez nous voir aborder. On est open pour ça aussi et puis même si vous voulez venir en parler avec nous, il n'y a vraiment absolument aucun souci. Léo, on est la preuve vivante. Bonjour. Bonjour. Il vient juste pour parler de Gotham, mais au final, il est là toutes les semaines. Prêt à tout. Bonne semaine, bon comics, bon Batman 66, guettez les cinémas autour de vous dans les grandes villes. Je sais qu'il arrive à Dijon, là, le 4 mai, au cinéma. Donc voilà, guettez un petit peu les programmes des petits cinémas indés. Vous pourriez avoir la bonne surprise d'avoir une projection de Batman 66. Et foncez-y. Ouais. Bien déconner. On le regretterait pas. À bientôt. Toi, plusieurs. Salut. Salut. Ah oui, il y a plusieurs, c'est meilleur.